suis pas prêt pour la mort. Même leur athème fait des rappels et me suis web prêt par toi. C'est pas l'alcool qui résoudra mes problèmes deux fois. Je suis trop aimé, même si je te baisse, bah je reviendrai deux fois. Et puis je suis plus que pour la verre. Ma S n'a pas changé et n'a pas retourné sa veste. Tu sais que les orages annoncent une grosse averse. Tu sais que quand on crie, on n'est vraiment pas dans ma terre. Sur le mandat de dépôt, j'attends toujours de ma feuille. Dis-moi toujours pas condamné. Je suis sorti, c'est tous les jours le jour de ma feuille. Celui qui va me sauter m'étonner. Je rejoue le terrain, mais les deux m'interpellent. Je mets une piquette, je vais semer. 0,9 de pureté, les Yankees ont de la veille. 4, 5, 6, 7, j'ai né. Maman, tant que j'ai pas écouté ma mère. Oh, maman. Pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Maman, pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Oh, maman, pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Je verrai ta que de la vérité, ce que j'ai mérité. Toi par ma part, gros, y'a plus d'amitié. Entre ta parole et tes actes, y'a un fossé. Tu fais le vrai, mais tu me trahiras pour ces fossés. T'es faux, ça, pas de jugement sans preuve, ouais, c'est faux. Je suis une marionnettiste qui tire les ficelles. Ils se ventilent la galoche, la meuf qui m'a sucé. Ville point, comme là du matin, je vais pousser. T'es un chien, 2-3 kilos, on peut te pousser. Arrivons, minuit 49, il faut saucer. J'écoute pas la huisse, d'après lui, il a souffé. Langue de pute, baisse ta mère et meurt étouffée. Sur ma mandat de dépôt, j'attends toujours de ma feuille. Dis-moi toujours pas condamné. Je suis sorti, c'est tous les jours le jour de ma feuille. Celui qui va me sauter m'étonner. Je rouvre le terrain, mais les guises m'ont fait peur. Je mets une piquette, je l'ai semé. 0,9 de pureté, les Yankees ont de la veille. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maman, pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Oh, maman. Pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Maman, pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Oh, maman, pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Et pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Ah. Les derniers salauds.